nur de silo hin er bezonnek. C'est l'heure de retrouver hin er bezonnek. Vous êtes bien sur RKB pour Hentar Brezonek. Comme d'habitude, on commence par Gariou Arvué, Perantri Pevarugen, Madé Henri 423. Madé, dis ça, ya. Quel mot on voit aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va parler d'un verbe qui s'écrit boutant, il se prononce boutant, ou bountan, ou bouto, hein. Ici on dit plutôt bouto, hein. Et qui a le sens général de pousser. Pousser, c'est-à-dire à la fois quand on pousse quelqu'un, hein, ou bien quand on pousse quelque chose pour le déplacer, ou bien quand on parle de la végétation, par exemple, qui pousse. Hein. Moi, je croyais qu'on utilisait zav. Ah oui, oui, il y a plusieurs façons de le dire. Hein. Oui, ou kreski aussi, hein, pour la végétation. Mais enfin, bon, l'idée de pousser, c'est effectivement il y a, quand la végétation sort de terre, en quelque sorte, hein. Et même quand elle se développe, hein, on va pouvoir utiliser bouton. Alors c'est un mot d'origine germanique, hein, donc en langue francique, c'est-à-dire la langue des Francs, c'était botan, avec un accent circonflexe. Mmh. Et il est passé dans beaucoup de langues, hein, en particulier dans le français ancien, on employait le verbe bouter. Ouais, on se souvient que Jeanne d'Arc se donnait comme vocation de bouter les Anglois hors de France. Mmh. Voilà. Et c'est resté, d'ailleurs, on verra que c'est resté en gallo. Hein. En gallo, on dit toujours bouter. Hein. En français, c'est un verbe qui était un petit peu suranné, quoi. On n'en parle plus beaucoup. Alors, il y a de nombreuses expressions, par contre, en français, où on va trouver... bouter, hein, par exemple, un bout de feu. Un bout de feu, c'est quelqu'un qui met l'huile sur le feu, hein, qui, au départ, c'était une mèche pour allumer les canons. Mmh. Donc, avec un long manche, hein, pour éviter de se faire sauter soi-même. Des fois, les canons explosaient. Donc, on avait un long manche avec une mèche. On appelait ça un bout de feu. Aujourd'hui, c'est le sens figuré. C'est quelqu'un qui met la pagaille, si on peut dire, quoi. Alors, bout en train aussi. Un bout en train, celui qui met de l'ambiance. Hein. Voilà. Des arcs-boutants, par exemple. Hein, en architecture gothique, par exemple, hein, y a de très belles choses. Hein. Arcs-boutants, c'est des arcs qui poussent, hein, pour contrebalancer la poussée de la voûte. Voilà. Alors, on a trouvé des composés en français. Débouter, par exemple. Hein, c'est pas... Alors, ici, on dit souvent débouter pour enlever les germes des pommes de terre en français local, alors qu'en justice, c'est repousser une plainte, hein, débouter un plaignant. Voilà. Et le contraire de débouter, c'est rebouter. Rebouter, remettre en place, d'où les rebouteux. Hein, voilà. Donc, il y a une boutroue, par exemple, boutroue aussi, c'est boutroue, c'est une borne qu'on met à l'angle d'un bâtiment pour empêcher que les roues ne tapent dans l'angle des bâtiments. Ça se faisait beaucoup autrefois, hein. Aujourd'hui un peu moins, enfin, mais il y a beaucoup de vestiges, de boutroux comme ça. Alors curieusement, le verbe qui a pratiquement disparu en français est revenu sous la forme anglo-saxonne « booster », qui est une forme plus archaïque et qui devient une forme de franglais dans le sens de propulser, de stimuler, hein. « Booster », hein, voilà. Donc ouais, c'est marrant de voir les mots, comment ils circulent et ils reviennent. Alors en gallo, hein, c'est très utilisé. Hein. Bon, on va souvent parler de bouter. Par exemple, j'ai lu un article de Daniel Giraudon qui parlait des habitants de Tréguidel qu'on appelle les boutous, c'est-à-dire ceux qui poussent, parce que selon la légende, ils auraient essayé de déplacer leur église en poussant dessus. Moi, ça, c'est c'est ce que racontent certainement les habitants des communes à côté. Voilà, les boutous. Et alors, bon, donc des boutous, hein, en gallo, sont des gens qui poussent, hein, d'une façon ou d'une autre. Alors, en breton, le verbe, c'est boutant ou bountant, hein, des fois, B-O-U-N-T-A-N-T, T-A-N, je veux dire. Et le participe passé, c'est boutet, hein, boutet. Mm-hmm. Un boutemezoir, non? Alors, ça peut être physique, hein, boutemezoir, non, c'est-à-dire pas, J'ai poussé dessus pour le faire s'écarter, mais ça peut être moral aussi. Hein. Bouton warondin, alors on dit souvent bouton war, hein, pousser sur quelqu'un, c'est-à-dire le pousser à faire quelque chose, lui conseiller. Hein. On dit souvent en agriculture, un dutzobé bout d'orzé. Hein, les gens ont été poussés à faire ça par les techniciens, par le Crédit Agricole, par toutes sortes de gens coupables, hein. Donc qui ont poussé les paysans à faire l'agriculture d'aujourd'hui. Boutedingbe d'orzé, voilà. Alors donc, expression à boutewar, non mais pousse dessus. Hein. Voilà. Alors, des expressions, une que j'ai trouvée dans le dictionnaire de... j'arrive plus à retrouver son nom, là. Drebout à Drezar, Drezèche, Drebout à Drezèche, c'est-à-dire en poussant et en tirant, c'est-à-dire tant bien que mal. Hein. Donc, voilà. Ça fait penser à l'accordéon diatonique, d'ailleurs. Hein. Puisqu'on pousse et on tire, hein, pour avoir des notes différentes. Hein. Voilà. Alors... dans le sens de croître, hein, bon, on a, par exemple, on va dire, hein, boutoura ar pato, les pommes de terre poussent, hein, ou boutouzo ar pato, c'est-à-dire il y a des pousses sur les pommes de terre. Et d'ailleurs, divoutant, c'est-à-dire, ça veut dire dégermer, en fait, hein, divoutant ar pato, dégermer. Voilà. Alors, le verbe peut être utilisé en forme réfléchie aussi, hein. Un homme voûtant, hein, c'est-à-dire se pousser, quoi. Se pousser soi-même, en quelque sorte. Hein. Un homme voûtant. Et ça peut être aussi, sous forme imagée, un homme voûtant, se pousser, se mêler un peu de ce qui nous regarde pas, quoi. Il y avait un surnom, autrefois, qui était Boutivry. Hein. Boutivry, c'est celui qui met son nez dans les affaires qui ne le regardent pas, quoi. Chose à éviter, absolument. Voilà, et ben, boute même calze droit, ouais. Vive du. Merci Henri, on passe à la deuxième partie d'émission. Présentez temps matin. Deuxième partie d'émission, présentée que temps matin. Oui, alors là, j'avais envie aujourd'hui de te parler de quelque chose que je suis en train de faire là, parce qu'on parle souvent du breton du pays Fanche et du breton du pays Ficelle. Mm-hmm.

Bon, ayons vraiment neve amzer hag aie point de la cade un trevad ou veler leur maïs, mais bravo en amzer hag ne vaut que rester de la cade leur maïs blanc me jonjon. Végel, Alice, me bicom de tard de ze roi d'elf, hein, ze zo pezuela peuplier in galag, hein. Pujur vraiment zo cudé nous ganzi, pujur neusket quadoir, hag bon staliou ra ou ardro, roi d'Elve, au cas, là, qu'a d'un dut de Blantan, hein, bah, l'air yoglé, bah, là, qu'a de, Hervenz. Puis, j'en vais une plie, de cal, visor cal, je trouve, elle bouisse tu four, bah, j'attraudis, hag, si tu veux, une plie, j'ai une mûre, vite, vais planter. Puis, zoval, elle va juste, hein. Redvo, hag, on sait, ma zotude, hein, zo, ne soin de Blantan, hein. Passerai, au même sera, mais Blantan, au neub, de, voir, bah, l'air yoglé, fait bien dans ta droite. Des vaisseaux, bon, on dra, à gazelle de cela, bourdouar, à gazo triste, on tombe, triste, très, mais c'est, un petit lard en, hier, indes, bah, melcarez, au bizerat, penelan, à gazé, ouas, penelanter, quand le dudo, la boîte, à gazo zerat, à zézo, on tôle, val, très, vidorvro, et vel juste, hein, calze, doyou, val, zo bête, hein, mais de, vijmez, on tôle, val, ouas, bon. Ne ce que Bekov est dans Disclum Benek visé, quoi. C'est une bizarre, quoi. Bon, comme ça, mon temps, vraiment, de ce politique, RS. NDL ou à Banangle, de Berntut, manifeste, et vide, vos radvines vagnes, Brice. Ou à Dro Degmil, Zobet, Degmil, Dut, puis dire, ou à Begalve, de, un Dut de manifeste, visé. Hag, bon, zo bet kalz dud a kalz politikourien de ze bep sort stroladou zo bet. Vid goul vefe bet stag de Ligue Radlant, le Brunang, le Benefin, de Vreis, vel oa Gwegel. Med, bon, kalz dud neus beklev de pez neus lar de notre ou Valz ar, roue et Vrans, vraiment, roue et Valz. Il y a Rou et Manuel Tchanta, Agnes Glard, VGB Redobor, Renvroy ou Pelbrassor, Ag, Zouez Lond, plusieurs, bénéfines, tout de Bulitico, il y en a Breiz, aura 13 de, non que comprenne de Pesso Bellard, aura 13 de Jonjal, vos grades, Breiz, grand pème département. Mais n'est que Zétan Mebé de Jonge Valls, hein, plusieurs, Valls, pèse de soin d'or et renvoi au grand deck pé d'ose département. C'est, aga, aga, car en zouézus, même ce musclette politique ou rien de ce vro, hein, au lavar ou de bonne zézondra, bonne digor des, un or, red vos monde pèlor, mais n'est que Zétan Mebé, hein, n'est que Zétan Mebé, aga, un dra spontus VFB, m'avait grezé, plus dur m'avait grezé, vos bains de braise, mais les fines, ben, non, mais ce que, dès que on est, mais département, avec, vos échus, en histoire braise, mais les fines, cardines, ils ont grévustré, on jouait de, plus dur, assez bon, zo, clé de vingt politicours, y'en, au lard, de, bon, ne vaut que grezé, mais de bénéfine, pévoy, Hulz, tout de Jacobine dans le lac ensemble, c'est fait qu'ils agissent du main. Reven, Réru, tout on y a dû viser. Axézo, Andras Pontus. Comme avait grezé, vos sterts divin, Hervro, divin, Hervena, durant un peu dur vos pas, tout d'un trou. Bon, et vel juste, m'avait grezé, ne vaut que de l'art et d'Hervro du stu, quoi, ne var vaut que d'un déwaler. Mais tant m'attend, voilà de zobé de pessamode, bah, bronaule, hein. Déjà, il colle de spire de, quand calze d'une, du de, bonze, bide wastag de, Ligue Atlantique de ce pays de Loire, Elvelard. Ag, bon, vraiment, zo calze d'une, d'un une queue en Chine et une bête, Brice. Ag, zézo cause, tant m'attend, avec redzé, vos bains de Brice, à vos colles de spire. Ag, pelzo, moi, Jacobine, donc, Caslar, un vrai, un bon, boy, Émile Combe, hein, Alice, me scombe, je de sais, hein, personne très mal, de Hulselar, et ouais, Émile Combe, Mévelin, Diogne. Ag, hein, c'est de ce bête, hein, de ce condamne, de présent, de boulard, hag bouet, bon, un traoù n'en kechant chekalz, tamm bo traoù vegren, mais un traoù drevraz n'en kechant chekalz. Bon, setu gaftin, et oa c'het komz de se, ka ma vegret ze, vo un dras pont tu zuit breiz, hag bon gwell. Petra zon evel. De suroar manifest i oas, ma vegret ze vo ka un dun manifest i gant bandier lou breiz a bagado yo a. A Bobsorn, mais n'est que zé change un trou. Plusieurs vélars en d'art, j'en jalran, un réseau bapen un trou, même ze braise en drubardo, pe vos kichen, or rendre vos bras, quoi. Plusieurs zézo basper et d'air jacobine, d'un. Bon, c'est une même grède, on tombe trop, ouar, non que de l'art, et d'elle, mais grède vos belles végèles. Qu'est-ce que nous, Henri?